Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'Irak sous mandat britannique, de la conquête à l'indépendance. Inquiétude dans le quotidien La Presse le 21 août 1920. La situation est grave en Mésopotamie, annonce le journal. Le gouvernement anglais a rappelé tous ses officiers des armées des Indes et de Mésopotamie qui se trouvaient en permission. Le Royaume-Uni a également demandé à tous les officiers démobilisés qui ont combattu pendant la Grande Guerre en France de reprendre du service pour un an. Ces nouvelles sont considérées comme extrêmement graves, conclut le journal. Mais que se passe-t-il en Mésopotamie, pour ne pas dire l'Irak, une histoire qui débute sans doute en Arabie. L'Arabie est aux Arabes maintenant. C'est ce que je leur ai dit en tout cas. Et c'est ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'ils se battent. Oui, c'est sûr. Ils se méfient d'une chose pourtant. Les laisserons-nous expulser les Turcs de chez eux pour y venir nous-mêmes ensuite? Je leur ai affirmé qu'ils n'auraient pas à le craindre, que nous n'avions pas d'ambition en Arabie. En avons-nous? Il faut que je sache si je peux leur affirmer en votre nom que nous n'avons pas d'ambition en Arabie. Certainement. Ça du film Laurence d'Arabie, évidemment, avec la musique de Maurice Jarre. Bonjour Pierre-Jean Luisard. Bonjour. Mais que faisaient ces Britanniques en Arabie pendant la Première Guerre mondiale? Eh bien, ils sécurisaient la route des Indes, puisque ce ne sont pas des troupes britanniques, mais des troupes indiennes qui ont envahi l'Irak en 1914. Et comme vous le savez certainement, l'administration coloniale britannique était divisée entre deux tendances concurrentes. Il y avait les partisans de l'annexion à l'Empire des Indes de la Mésopotamie ottomane et il y avait le bureau arabe du Caire auquel appartenait Laurence d'Arabie et Gertrude Bell qui était à Bagdad le pendant irakien. De cette politique qui favorisait le nationalisme arabe pour contrer la fondation religieuse de l'Empire ottoman. Voilà, c'est ça, parce que l'Empire ottoman est allié à l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et les Britanniques ont envie d'enquiquiner cet Empire ottoman par l'Arabie. Géopolitiquement, on est où en Arabie? C'est quoi cette zone? On parle de Mésopotamie pour l'Irak encore à ce moment-là. Qui domine ces territoires? Ben, il faut rappeler qu'il n'y avait aucun État-nation tel qu'on l'entend aujourd'hui à l'époque. Il y avait un empire multiethnique et multiconfessionnel, même si les bases du pouvoir étaient liées au sunnisme, avec la fonction de calife du sultan d'Istanbul. Et il y avait dans la péninsule arabique différentes zones, et notamment la zone des villes saintes musulmanes, la Mecque et Médine, qui était dirigée par une famille de descendants du prophète, les Hachemis, auxquels appartient le shérif Hussein de la Mecque, auxquels les Britanniques vont promettre l'indépendance avec un grand royaume arabe s'étendant sur toutes les provinces arrachées à l'Empire ottoman. Oui, parce que pas d'État-nation, vous l'avez rappelé, Pierre-Jean Luisard, et c'est très important de le souligner dans notre compréhension de cet espace. Cet empire qu'on promet après la Première Guerre mondiale, on leur dit, vous combattez du côté des Britanniques, on vous promet un royaume. Il a quelle superficie, ce royaume? Il comprend quel territoire? Alors, les Britanniques ont encouragé tous les nationalismes pour miner les fondements religieux de l'Empire ottoman. Ils l'ont fait avec les Arméniens, avec les Grecs, avec les Assyro-Chaldéens et évidemment avec les Arabes. Et les Arabes en question avaient des élites que les Britanniques vont draguer au point de leur promettre leur pouvoir. Il s'agit donc de la famille du shérif Hussein de la Mecque, et notamment de l'un des fils du shérif, Faisal, qui venait en 1920 d'être chassé de son trône syrien par les Français. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Myriam Yacoubi, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Dans ce que Faisal peut recevoir comme promesse, il est à la Mecque, hein, shérif de la Mecque à ce moment-là. Donc nous sommes en Arabie. Quel est ce lien avec un territoire qui est beaucoup plus large, qui nous conduit jusque dans l'Irak actuel? Il peut espérer avoir un grand royaume que lui promettent les Britanniques? Alors, Faisal, en fait, s'était donc illustré lors de la révolte arabe, donc le fameux soulèvement tribal qui s'est déroulé donc dans le Hedjaz, donc organisé par les Britanniques. Et comme Pierre-Jean Luisard vient de le rappeler, à l'issue de ces événements et donc à la fin de la guerre, Faisal avait donc établi un royaume arabe en Syrie pendant 2 ans. Voilà, il y a une administration arabe autour de lui en Syrie. Et donc en 1920, après que les Français donc le chassent, puisque les Français obtiennent un mandat de la Société des Nations sur la Syrie, Faisal se retrouve disponible, si j'ose dire. Certains Britanniques, et notamment ça va être le grand projet de Lawrence, justement, de T. Lawrence, son grand projet, ça va être en fait d'utiliser Faisal comme figure charismatique pour incarner un gouvernement dit indigène en Irak, puisque donc depuis le début de la guerre, les Britanniques ont pris pied, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans ce territoire qu'ils ont appelé encore longtemps la Mésopotamie. Et en fait, ils n'avaient pas de projet politique très clair au départ. Depuis la fin de la guerre, les Britanniques occupent ce territoire, la Mésopotamie ou l'Irak. Et en 1920, en fait, ils font face à une révolte contre justement leur présence, et notamment après l'annonce que la Mésopotamie aussi va devenir un mandat de la Société des Nations confié à l'Irak. Donc là, en fait, les Britanniques comprennent qu'ils ne vont pas pouvoir continuer à occuper l'Irak militairement et à gouverner et administrer ce pays très directement à grand renfort de troupes et d'administrateurs coloniaux. Ils vont devoir en fait créer une administration dite indigène, et donc ils vont créer de toutes pièces une monarchie avec Faisal à sa tête et un gouvernement arabe autour de lui. Et donc là, c'est vraiment le fondement en fait d'une alliance anglo-hachémite qui va durer plusieurs décennies en Irak jusqu'en 1958. Et Pierre-Jean Louisard, après la Première Guerre mondiale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., il est bien difficile d'imposer une colonisation britannique. Mais d'ailleurs, serait-ce possible? Le territoire est vaste, il est complexe aussi. Alors effectivement, le territoire est très complexe, et en ce qui concerne l'Irak, il l'est encore davantage, puisque nous avons des alliances paradoxales en Irak. Je rappelle le seul fait peut-être le plus paradoxal, est que l'appel au djihad contre l'invasion britannique et française du cheikh al-Islam ottoman, c'est-à-dire l'autorité religieuse ottomane sunnite, a été reçu favorablement par les chiites et refusé par les sunnites. Donc on va voir un djihad probablement le plus massif contre une invasion européenne à partir de 1914, à l'appel des grands ayatollahs qui reprennent l'appel au djihad du cheikh al-Islam, à un moment où les élites arabes sunnites commencent à avoir des liens avec les Britanniques et vont passer du jour au lendemain de relais local du pouvoir ottoman à celui d'agents britanniques. Je rappelle que dans les rapports démographiques, les chiites sont très majoritairement arabes et forment environ 60% de la population de la Mésopotamie, et les arabes sunnites sont minoritaires, donc c'était pour eux un moyen de préserver l'avenir, sachant que les puissances coloniales et mandataires en particulier avaient toujours eu un tropisme pour les minorités. Chiites, sunnites, petit rappel. C'est ici, en Irak, que 35 ans après la mort du prophète Mahomet, que le chiisme est né. C'est en Irak que se trouvent ses principaux lieux saints. Cette branche de l'islam s'est construite dans la douleur, au cours de batailles de succession. Contrairement aux sunnites, les chiites estiment que les seuls descendants du prophète sont investis du pouvoir divin. Ici, à Kerbala, chaque croyant connaît cette histoire par cœur. Le cousin et gendre de Mahomet, Ali, meurt assassiné en 661 pour faire valoir ses droits. Son fils Hussein part en guerre contre les califes de l'époque. Pour lui, ce sont des usurpateurs qui ont confisqué le pouvoir. Seul, avec quelques soldats face à une armée, l'imam Hussein résiste 10 jours. Sans eau, sans nourriture, Hussein et ses compagnons refusent de se rendre. Ils sont battus, le descendant du prophète est décapité, leurs femmes et leurs enfants sont massacrés. Le mythe est né. La différence entre les sunnites et les chiites par les origines, présentée sur France 5 en 2003. Pierre-Jean Louisard, quelle est la différence dans ces relations que les Britanniques veulent entretenir avec, alors, à la fois les élites, parce qu'il y a la volonté de créer une institution et peut-être pas encore un État, et avec la population. Donc ceux qui sont mis en avant, sachant que ce sont les chiites qui représentent la majorité de la population. Voilà, ce sont les chiites et il faut se souvenir qu'il y a une évolution très rapide du chiisme au XVIIIe et au XIXe siècle qui va aboutir à l'émergence dans les villes saintes chiites d'Irak, Najaf, Kerbela, Samarra, Kazimayn, d'une autorité politique concurrente à celle des États en place. C'est l'origine des grands ayatollahs, des grands mouchtahides, c'est-à-dire ceux qui tirent leur pouvoir de l'usage de la raison pour interpréter les textes sacrés. Et on voit l'influence incroyable de ces mouchtahides au fait qu'en quelques jours, ils vont lever une armée de moudjahidines, c'est-à-dire de combattants de la foi, pour aller seconder une armée ottomane qui les avait toujours combattus. Et ils vont vaincre ces réticences, si bien qu'à la bataille de Shuaïba, près de la ville de Bassora, dans le sud de l'Irak, en 1916, l'armée des moudjahidines chiites était 4 fois plus nombreuse que l'armée ottomane qu'elle était censée venir seconder. Myriam Yacoubi. Oui, alors effectivement, en fait, en Irak, donc les chiites vont s'opposer dès le départ, donc à l'occupation britannique, et plus tard, donc quand ils vont créer ce gouvernement dit indigène, mais en fait importé, donc avec cette monarchie hachémite, avec Faisal, hein, qui vient du Hedjaz. Les chiites, en fait, vont continuer à s'opposer à ce projet politique porté par les Britanniques en Irak. Donc en fait, les relations vont être mauvaises entre les Britanniques et notamment donc les représentants du clergé chiite pour des raisons politiques évidentes sur lesquelles on pourra peut-être revenir. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que à ces raisons politiques évidentes s'ajoutent aussi des représentations culturelles et des préjugés très négatifs chez les représentants britanniques sur place à l'égard de ces savants chiites qui vont en fait émettre des fatwas, des avis juridiques qui vont par exemple interdire aux chiites de participer aux élections que les Britanniques tentent d'organiser en fait pour légitimer le nouvel État qu'ils tentent de mettre en place. Et donc on a un discours, par exemple chez Gertrude Bell qui a été évoqué tout à l'heure, on a un discours qui dépeint une société chiite qui n'est pas encore suffisamment sécularisée et donc qui n'est pas moderne politiquement. Et en fait, on a des comparaisons très intéressantes dans les écrits de ces représentants britanniques avec, par exemple, le clergé catholique ou l'église grecque orthodoxe. Et Gertrude Bell, par exemple, dit que les États européens dans lesquels le clergé catholique est encore influent sont des États politiquement faibles. Et elle dit que elle ne veut pas ça pour l'Irak, qu'il y a un risque d'État théocratique, en fait, si le clergé chiite a son mot à dire dans les affaires politiques. Donc clairement, en fait, pour eux, ces savants chiites sont des obscurantistes, voilà, qui sont vraiment à rebours des idéaux de modernité politique que les Britanniques souhaitent représentée dans le cadre du mandat. Il y a aussi une répulsion très forte qui est exprimée à l'encontre de certains rituels chiites. Hein. Par exemple, votre extrait vient d'évoquer donc le martyr d'Hussein. Et donc, par exemple, quand Gertrude Bell assiste aux commémorations de l'Ashura, donc qui commémore justement le martyr d'Hussein, donc elle observe donc ces processions avec des scènes de lamentation et d'autoflagellation. Elle a un discours extrêmement négatif hein, vis-à-vis de ces rites. Donc, ils se sentent culturellement plus proches des sunnites, dont la pratique religieuse est plus dépouillée en fait. C'est britannique. Ah bah, c'est sûr que ça saigne hein, lors de ces cérémonies. Gertrude Bell, archéologue bien sûr, exploratrice, écrivaine, et puis dès lors femme politique. Dites-nous, Myriam Yacoubi, vous êtes maîtresse de conférences en civilisation britannique à l'université Toulouse Jean Jaurès. Nous connaissons le procédé de domination souvent mené par les Britanniques, mais pas seulement par eux. C'est jouer sur certains contre d'autres pour imposer leur pouvoir. Comment ça se passe en Mésopotamie? Il y a ce jeu-là de la part des Britanniques? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est le cas dans tout l'Empire britannique, c'est-à-dire que les Britanniques ne créent pas forcément des divisions qui n'existaient pas auparavant, mais ils ont tendance à les renforcer, à les institutionnaliser et surtout à les utiliser dans leur intérêt. Donc, en Irak, il y a d'une part donc une relation donc très étroite entre donc les Britanniques et cette monarchie hachémite et Faisal. Ceci dit, cette relation-là, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard, même cette alliance-là, elle est problématique parce qu'en fait, Faisal ne va pas du tout être aussi docile que ce que les Britanniques avaient prévu. Mais donc, il y a d'une part une alliance donc avec cette élite arabe et sunnite. Mais par ailleurs, les Britanniques ne veulent pas non plus que cette élite arabe et sunnite soit trop puissante et qu'elle soit capable de mobiliser une base sociale importante qui pourrait en fait être capable de faire contrepoids à leur propre domination en Irak. Donc par ailleurs, ils vont aussi nouer d'autres alliances, comme par exemple avec des chefs de tribus, aussi bien sunnites que chiites. Et donc, ils vont leur déléguer certains pouvoirs dans les zones rurales, donc leur donner un pouvoir très important, leur octroyer aussi des domaines fonciers. Voilà, pour en fait convaincre ces acteurs politiques et sociaux qui étaient au début un peu réticents parfois à accepter le nouvel ordre politique, bien pour les convaincre finalement d'accepter le nouvel ordre politique porté par les Britanniques. Donc en fait, c'est un jeu vraiment très complexe dans lequel, même si Faisal et les Britanniques sont censés être alliés, en fait, de part et d'autre, les deux parties vont essayer de nouer aussi des contre-alliances. Et puis dans ce jeu, bien sûr, politique, pourquoi pas diplomatique, il y a d'autres éléments à mettre en place. C'est évidemment des éléments économiques avec un peu de pétrole. L'Irak, je crois que pour des Européens, c'est un nom qui n'évoque pas beaucoup d'images. Et pourtant, j'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup dessous. Eh bien, voyez-vous, il y a tout de même en Irak trois noms de villes qui dominent pour, je crois, tous les Européens et le monde entier. C'est Babylone, Bagdad et Mossoul. Babylone évoque les jardins suspendus et Nabucodonosor. Bagdad évoque les mille et une nuits et le calife Haroun al-Rachid qui se promenait incognito dans sa capitale. Et enfin, il y a Mossoul dont on a tant parlé pendant les 25 dernières années puisque, en somme, Mossoul représentait la capitale du pétrole. Nous étions en 1950 quand le journaliste Pierre Desgroupes discutait avec Philippe Soupeau, oui, Philippe Soupeau, le poète, l'un des fondateurs du surréalisme qui revenait d'un voyage au Moyen-Orient et qui évoque tout de suite le pétrole. Pierre-Jean Luisard, il y a cet aspect aussi à tout de suite évoquer l'importance du pétrole parce que ça nous permet de remonter un peu dans le passé. C'est une longue observation de la part des Britanniques de oui, ces territoires. Oui, la découverte du pétrole et son exploitation à partir des années 1920 est la raison pour laquelle les Kurdes ont été, contre leur volonté, rattachés à l'Irak, hein, puisque c'était dans cette région que se trouvaient les gisements découverts. Et cela a permis un système politique qui était combattu par plus des trois quarts de la population de se maintenir moyennant une répression féroce puisque l'Irak, depuis 1920, n'a connu que quelques années de paix civile. Sinon, ça a été le règne de la guerre extérieure et intérieure qui a prévalu. Pierre-Jean Louisard, les racines du chaos, Irak, Syrie, Liban, Yémen, Libye, que vous publiez chez Talendier. Le chaos, il est dans le titre de votre ouvrage, mais c'est aussi cette longue histoire du territoire qui correspond à l'Irak actuel, qui a toujours été sous des dominations, que ce soit ottomane, et puis après la Première Guerre mondiale, on peut parler d'une domination britannique. Est-ce que les Britanniques ont la volonté de faire de ces territoires-là une colonie? C'est un mandat qui est donné par la Société des Nations. Alors, qu'est-ce que signifie le mot mandat? On peut dire que c'est la dernière mouture de la colonisation, puisque c'est une colonisation limitée dans le temps et dans l'espace avec des frontières. Dans le temps, 1932, c'est l'indépendance formelle de l'Irak qui, en fait, ne changera pas grand-chose, puisque, comme Myriam Yacoubi l'a rappelé, il y a eu le traité anglo-irakien qui veillait au grain pour que l'Irak ne vole pas de ses propres ailes. Et il y a eu également de la part Mais c'est vrai que vous l'évoquez là, Pierre-Jean Louisard, ce traité. Ce mandat, on les a appris à l'école, voilà, après la Première Guerre mondiale, hein, le traité de San Remo, le traité de Sèvres, 1920, et la Mésopotamie rentre... Tous ces mandats étaient contradictoires les uns avec les autres, puisque d'un côté, il y a eu les promesses pendant la Première Guerre mondiale faites par les Britanniques au shérif Hussein de la Mecque, et en même temps, on a eu les accords Sykes-Picot, qui divisait entre la France et la Grande-Bretagne le Moyen-Orient. Et par ailleurs, il y a eu le traité de Sèvres qui promettait aux Kurdes une forme d'indépendance qui a été démentie par le traité de Lausanne. Les mandats étaient une reconnaissance du degré de civilisation des puissances européennes qui était chargé de la mission de conduire vers l'autodétermination des peuples considérés comme moins civilisés. Et c'est la raison pour laquelle les Britanniques vont organiser des institutions légitimées par des élections, alors qu'en fait, c'est le règne de l'occupation qui va prévaloir, puisque dès l'instant qu'il va y avoir des élections sous la menace des armes britanniques, les grands ayatollahs vont être exilés vers l'Iran, d'où ils ont continué le combat contre les Britanniques. Mais 1925 marque l'échec à la fois du mouvement kurde et du mouvement religieux chiite, et le triomphe des Britanniques avec leurs alliés locaux, des élites issues de la minorité arabe sunnite qui vont dominer jusqu'en 2003, le pays. Myriam Yacoubi, en écho à ce que vient de dire Pierre-Jean Louisard, dans l'idée d'une colonisation, moi j'aime bien l'idée que ces traités de 1920, que ce soit San Remo ou le traité de Sèvres, ce mandat accordé au Royaume-Uni sur ces vastes territoires, notamment la Mésopotamie, eh bien c'est une colonisation déguisée avec, c'est vrai, une date prévue pour l'indépendance qui serait 1932. On peut parler de colonisation ? Alors, en fait, je trouve que c'est une époque très intéressante parce qu'on est quand même dans une époque un peu, dans un moment un petit peu transitoire. Donc, on n'est plus non plus totalement dans la colonisation, dans les annexions pures et simples du 19e siècle. Là, il y a un continuum impérial, colonial, c'est une évidence. La Société des Nations est prête, hein, à tolérer dans une très large mesure ce continuum colonial et va permettre en fait aux grandes puissances européennes de préserver leurs intérêts. Néanmoins, l'époque change tout de même. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et les Britanniques vont se sentir obligés au moins de montrer qu'ils font un effort pour le prendre en compte. Alors, ça reste une façade, dans une très large mesure. Néanmoins, ils doivent rendre des comptes à la Société des Nations à travers des rapports annuels. Alors bien sûr, les informations qu'ils inscrivent dans ces rapports, ces informations peuvent être manipulées, mais ils doivent néanmoins montrer ce qu'ils mettent en place en fait en Irak et dans les autres mandats, justement pour accompagner ce processus de formation des États-nations. Donc c'est quand même une contrainte en fait, ce caractère de surveillance de la Société des Nations. Et puis surtout le fait que les Britanniques vont être obligés de créer ces institutions politiques dites indigènes. Encore une fois, ça va les obliger quand même. Bien sûr qu'il y a, c'est évident que c'est que tout cela repose sur la coercition. Mais néanmoins, à l'intérieur de ce cadre coercitif, ils vont quand même être un peu obligés de négocier parfois avec les acteurs politiques locaux, parce qu'il y a des différentes formes de résistance qui se mettent en place et de façon très forte. Et donc, en fait, le mandat, moi, je le lis surtout vraiment comme un bras de fer permanent. Et notamment, donc, entre Faisal et les Britanniques, mais aussi les autres acteurs politiques et sociaux qui vont aussi tenter de défendre leurs intérêts. Donc, une colonisation déguisée, oui, mais pour les Britanniques, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils n'avaient anticipé. D'autant qu'à côté de ces grands accords que nous citons, ceux de l'année 1920, San Remo ou traité de Sèvres, il y en a d'autres, antérieurs et beaucoup plus secrets. Orance. Où est-ce le commandant Lawrence ? Altesse. Ah. Eh bien, je vais vous quitter, général. Le commandant Lawrence a certainement des choses intéressantes à vous dire à propos de mon peuple, de sa faiblesse et de la nécessité de maintenir cette faiblesse dans l'intérêt de l'Angleterre. Et de la France aussi, bien entendu. N'oublions pas la France dans cette affaire. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun traité de ce genre. Oui, général, vous avez menti avec beaucoup de bravoure, mais d'une façon peu convaincante. Je sais que ce traité existe. Quel traité ? Il ment mieux que vous, général. Mais lui, évidemment, il est presque arabe. Vous n'avez vraiment pas entendu parler du traité Pico-Sykes ? Non. Je crois deviner. Ne devinez pas. Dites-lui. Eh bien, voilà. Monsieur Sykes est un haut fonctionnaire anglais. Monsieur Picot est un haut fonctionnaire français. Monsieur Sykes et Monsieur Picot se sont entendus entre eux pour qu'après la guerre, la France et l'Angleterre se partagent les restes de l'Empire turc, y compris l'Arabie. Ils ont donc signé un accord. Pas un traité, mon général. Un accord à cet effet. Il y a peut-être un honneur chez les voleurs, mais il n'y en a pas chez les politiciens. Bah ça, c'est pas nous qui le disons. C'est dans le film Lawrence d'Arabie de David Lean, ce film de 1962. Pierre-Jean Louisard, quelle est l'importance de ce traité secret pour bien comprendre la complexité? Je reprends ce mot de chaos, les racines du chaos, c'est le titre de votre ouvrage. Je dirais qu'il n'y a pas de complexité. Les choses me paraissent plutôt claires. Il y a eu une diplomatie secrète. Il y a eu la Première Guerre mondiale et évidemment toute diplomatie secrète, notamment les promesses faites aux Arabes d'un grand royaume arabe unifié, n'étaient pas tenues par des accords officiels. Et dès que les armes ont tourné en faveur des alliés, la France et la Grande-Bretagne, chaque appétit colonial, puisque je maintiens quand même que le mandat est la forme ultime de la colonisation et que Faisal n'avait que peu de marge de manœuvre, comme l'ont montré son expulsion de Syrie après la défaite militaire des nationalistes arabes à Maïsaloun auprès de la frontière libanaise, près de ce qui sera la frontière libanaise, et il n'avait pas davantage de marge de manœuvre puisqu'il n'a pas pu empêcher le traité anglo-irakien qui prolongeait en fait le mandat au-delà de la date définie par la Société des Nations, 1932. Il faut rappeler que les Anglais ont dominé l'Irak jusqu'en 1958. Et oui, c'est ce bras de fer, mais un bras de fer avec un déséquilibre de puissance, parce que certains sont aidés, on va dire, c'est plusieurs à tenir le bras de l'autre. Avec Myriam Yacoubi, le mot de nationalisme qui a été prononcé, les nationalismes arabes. Quelle est la réaction, justement, dans ce monde arabe, quand, en 1920, il y a ce mandat mis en place? Alors, ben, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en Irak, en fait, ça donne lieu à un soulèvement qui fait un petit peu figure d'ailleurs de mythe fondateur de l'État irakien moderne, parce qu'il semble que ce soulèvement de 1920, justement après l'annonce du mandat, bien en fait, il a mobilisé donc à la fois les sunnites, les chiites, les kurdes. Donc il y a une réaction, il y a une résistance en fait tout de suite à cette institutionnalisation de l'occupation britannique. Et effectivement, les Irakiens ne sont pas dupes en fait de ce que veut dire le mandat et les différents acteurs politiques et sociaux irakiens. Et c'est la même chose dans les autres territoires arabes, comprennent bien que les Britanniques et les Français en Syrie tentent là en fait de maintenir leurs intérêts coloniaux. Donc c'est pour ça que je parlais de continuum tout à l'heure. Malgré tout, le contexte international est en train de changer. Et puis il y aura aussi donc la part aussi jouée par les acteurs politiques locaux eux-mêmes, qui n'auront de cesse de remettre en question donc cette forme de tutelle britannique en Irak. Alors bien sûr, le rapport est extrêmement déséquilibré, et donc ça va obliger ces acteurs à mobiliser un tas d'outils différents pour s'opposer aux Britanniques. Et donc ceci finalement arrive à se retirer assez tôt d'Irak, on l'a dit tout à l'heure, 1932, parce que justement grâce à un traité anglo-irakien qui est négocié en 1930, ils mettent fin au mandat, mais tout en préservant leurs intérêts essentiels dans le pays. C'est-à-dire que même après l'indépendance, il y aura des conseillers britanniques dans tous les ministères irakiens, qui seront d'ailleurs payés par l'Irak. Les Britanniques vont continuer à jouir de deux bases aériennes en Irak, l'une près de Bagdad et l'autre dans le sud du pays. L'armée irakienne sera, les équipements de l'armée irakienne seront fournis par les Britanniques. Voilà, donc il y a vraiment encore une influence politique, militaire très forte, plus les intérêts britanniques dans le pétrole qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc avec ce retrait de 1932, donc il faut bien souligner que c'est une indépendance uniquement formelle, hein, qui n'en a que le nom. Donc au final, les Britanniques ont réussi à faire de l'Irak un État client à moindre coût. Avec ce retrait. Et finalement, ce qui était au départ la mission du mandat, c'est-à-dire la construction d'un État-nation, finalement, cette mission-là, elle est plutôt mise de côté. Hein. Les Britanniques, en fait, se contentent avant tout de préserver leurs intérêts essentiels dans le pays. Et quant à la cohésion sociale de l'Irak, quant à la représentativité de ses institutions, c'est pas du tout abouti, évidemment. Avec un paradoxe, Pierre-Jean Luizard, nous évoquons cette révolution de 1920 par, alors j'allais dire les Irakiens, mais on pourrait en discuter, au moment où il n'y a pas d'État-nation, il y aurait un mouvement nationaliste. C'est là où vous allez nous éclairer. En fait, qui s'oppose, qui se révolte alors qu'il n'y a pas d'identité nationale encore? Oui, alors là, nous sommes en plein dans la mythologie nationale irakienne. Et je dois rappeler que un des mouvements salafistes djihadistes très anti-chiites au moment de la lutte contre Daesh avait revendiqué comme nom Brigade de la Révolution 1920. La réalité historique est très différente, puisque cette révolution a été une réponse à l'appel des grands ayatollahs contre le mandat, et que les élites sunnites, qui étaient à l'époque représentées par un parti El Rahd, composé d'officiers chérifiens, n'ont pas participé à cette révolution qui s'est cantonnée dans les régions chiites, et encore pas dans toutes les régions chiites, notamment dans le Moyen-Euphrate. Mais la révolution de 1920 était tout sauf une révolution nationaliste arabe, comme on a voulu la présenter par la suite. Elle manifestait le refus des chiites majoritaires en Irak d'être fondus dans un État-nation dominé par une puissance occidentale et d'être confondus avec une minorité sunnite à l'échelle du monde arabe. C'est-à-dire qu'on est dans la manifestation d'un irakisme préservant la majorité chiite, bien plus que dans une conception nationaliste arabe. Il faut rappeler que la révolution de 1920 n'a reçu aucun soutien de la part des nationalistes arabes et notamment des officiers chérifiens et notamment de Faisal, qui était à l'époque en Syrie à Damas. Les Irakiens chiites en majorité ont été seuls face aux Britanniques dans un monde qui était déjà clivé confessionnellement. On peut d'ailleurs s'arrêter un peu sur ce personnage de Faisal, hein, Myriam Yacoubi, personnage alors, qui est pris dans un mouvement incroyable, à un moment extrêmement complexe, mais il faut le rappeler, il n'est pas de Mésopotamie. C'est ça qui est important à saisir dans la réflexion que nous avons autour de cette identité nationale irakienne. Il vient d'où, lui ? Donc il vient de la Mecque, shérif de la Mecque, il passe par la Syrie et il arrive après à Bagdad ? Oui, tout à fait, c'est ça. Donc il est né dans le Hedjaz. Ensuite, comme son père, à un moment donné, est éloigné du Hedjaz par le pouvoir ottoman, il passe aussi quelques années donc dans la capitale ottomane, avec son frère Abdallah, qui sera dont les Britanniques feront l'émir de Transjordanie. Ils sont les deux des représentants en fait du Hedjaz au Parlement ottoman. Donc ils ont aussi cette familiarité avec la politique ottomane avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, donc, il y a cette alliance avec les Britanniques pendant la révolte arabe. Puis, comme vous l'avez rappelé, donc, il y a cette expérience courte, hein, mais quand même importante du royaume arabe de Syrie. Et ensuite, donc, une fois qu'il a été chassé de Syrie par les Français, donc, comme je l'ai dit, les Britanniques se servent de lui, donc, pour fonder cette monarchie hachémite en Irak. Alors, pourquoi Faisal ? Enfin, du point de vue britannique, le fait de choisir un candidat extérieur à l'Irak, ils pensaient que ça leur que cela éviterait en fait des conflits, des rivalités entre les différents acteurs politiques irakiens. Et surtout, comme il avait déjà coopéré avec les Britanniques au cours de la révolte arabe, les Britanniques pensaient pouvoir compter sur sa loyauté. Et en fait, c'est un lien de dépendance, hein, puisqu'en fait sa position tient aux Britanniques, celle de son père et de son frère en Transjordanie également. Alors, les Britanniques décrivent souvent, enfin, en tout cas, pendant la période de la Première Guerre mondiale, ils le décrivaient souvent comme un personnage, voilà, assez charismatique. Donc, on l'a rappelé tout à l'heure, sa famille est reconnue comme descendant du prophète. Donc, les Britanniques pensaient que il serait respecté des sunnites comme des chiites. Ils le décrivent aussi comme, voilà, un dirigeant éclairé qui sera capable, en fait, d'établir des liens politiques avec les différents acteurs politiques et sociaux irakiens. Voilà, les Britanniques se disent qu'il va être aussi à l'aise avec les chefs de tribu qu'avec les diplomates européens, qu'avec l'élite politique citadine. Voilà, on lui prête comme ça une grande capacité d'adaptation. Myriam Yacoubi, quelle est sa marge de manœuvre à Faisal du temps du mandat britannique ? Alors, donc, en fait, Faisal, dès le début, après son arrivée en Irak, il se dit, en fait, lui aussi, en fait, n'est pas dupe, disons, du fait que le mandat représente une forme de tutelle coloniale. Et il essaye vite de convaincre les Britanniques de renoncer au mandat et de conclure un traité bilatéral, un traité anglo-irakien, en lieu et place du mandat. Ce que les Britanniques refusent, hein, puisqu'en fait, le mandat, c'est une obligation internationale, chapeautée par la Société des Nations. Donc, le mandat est maintenu. Les Britanniques consentent à négocier un traité anglo-irakien. Et donc, en fait, c'est la négociation signification des termes de ce traité anglo-irakien qui va être l'objet d'un bras de fer avec Faisal. Et en fait, bon, sa marge de manœuvre, elle est pas très importante. Pierre-Jean Luisard l'a dit tout à l'heure. Ce qu'il va faire, par exemple, c'est qu'il va essayer discrètement d'encourager l'opposition au mandat ou au terme du traité tel que les Britanniques veulent l'imposer. Donc, par exemple, en finançant certains journaux qui vont écrire des articles hostiles, en fait, aux Britanniques. Plus tard, en tant que monarque, il a un certain pouvoir politique. Hein, c'est pas un monarque purement, comme dans une monarchie constitutionnelle où il n'aurait que des pouvoirs symboliques. Il avait quand même des pouvoirs politiques. Donc, il peut essayer aussi de placer certains hommes politiques à des postes clés pour essayer un peu de défendre son point de vue. Voilà. Donc, en encourageant comme ça indirectement l'opposition au traité, et surtout en fait son interlocuteur principal, c'est le premier haut commissaire britannique, donc le représentant du gouvernement britannique sur place. Donc, le premier était Percy Cox. Et donc, il y a vraiment d'âpres négociations avec Percy Cox, mais surtout en fait avec à Londres Winston Churchill, qui était le ministre des colonies. Et donc, c'est lui qui était responsable de la gestion du mandat irakien. Et donc, vraiment, il y a un échange de correspondance très long pendant des mois, donc entre Churchill, Cox et Faisal, au sujet, encore une fois, donc des termes de ce traité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les Britanniques tantôt tentent de cajoler Faisal, de le rassurer sur le fait que il ne serait pas un monarque purement fantoche. Et puis, à d'autres moments, en fait, il lui rappelle très brutalement sa position de dépendance et il le somme d'accepter le statu quo tel que les Britanniques le conçoivent. Et il n'hésite pas, Churchill n'hésite pas à lui rappeler qu'il avait déjà perdu un trône hein, en Syrie et que il fallait vraiment qu'il accepte en fait son lien de dépendance avec les Britanniques. Donc c'est une relation qui est complexe, mais effectivement, elle est marquée par un fort déséquilibre et par ce lien de dépendance entre Faisal et les Britanniques. Mais en même temps, pour les Britanniques, en fait, si Faisal avait, par exemple, les Britanniques ne pouvaient pas non plus, par exemple, mettre fin à la monarchie hachémite devant la résistance de Faisal, parce que finalement, c'était aussi un gage auprès de la Société des Nations, cette idée qu'avec cette monarchie et ce gouvernement arabe, les Britanniques faisaient une place, en fait, aux acteurs politiques et sociaux irakiens. Donc, finalement, les Britanniques aussi doivent composer avec Faisal. Ils peuvent pas non plus totalement faire sans lui. 1932, c'est cette date prévue pour l'indépendance de l'Irak. Faisal ne voit pas longtemps ce temps d'indépendance. Il meurt l'année suivante, en 1933. Pierre-Jean Luisard, vous nous avez bien dit, et puis on l'a entendu aussi dans la voix de Myriam Yacoubi, que 1932, indépendance, qui n'est pas une indépendance. En fait, on voit bien hein, que le Royaume-Uni a complètement la main sur ce territoire qu'est l'Irak. Oui, effectivement, les Britanniques ont réussi ce que les Français ont échoué à faire au Liban, c'est-à-dire à contraindre les représentants du pays qu'ils occupent à définir une date de début d'un traité post-mandat. Et 1932 n'a en fait pas changé grand-chose, d'autant plus qu'un acteur dont on n'a pas encore parlé va s'imposer de plus en plus, c'est l'armée irakienne, fondée en 1921 par des officiers shérifiens irakiens. Et cette armée irakienne va rentrer en guerre immédiatement contre la société irakienne, contre les tribus, contre les chiites, contre les Kurdes, avant de sévir contre un nouveau parti qui va devenir de plus en plus important, le Parti communiste irakien, qui va rassembler de nombreuses voix chiites. Oui, merci à vous de rappeler la complexité d'un pays, de l'Irak, mais comme tous les pays, c'est-à-dire que nous parlons de l'Irak comme d'un tout, mais c'est une mosaïque et c'est très bien de religion, d'identité et de choix politiques. Alors, on a dit qu'il y avait un tropisme envers les minorités de la part des puissances mandataires. C'est particulièrement vrai en Irak, où les Anglais ont tenté de lever au sein de la communauté assyro-chaldéenne des Lévis pour combattre les tribus. Et l'on peut dire la même chose de l'armée irakienne qui va être le monopole d'élite arabe sunnite, puisque les chiites vont être systématiquement exclus des instances dirigeantes des différents corps de cette armée qui va devenir le bras armé des Britanniques contre le mouvement religieux et ensuite contre les partis politiques favorables à la fin du traité avec la Grande-Bretagne. Oui, cette relation complexe entre ce monde arabe et ce monde britannique, c'est la romance anglo-arabe. Myriam Yacoubi, c'est le sous-titre de votre thèse, la relation anglo-hachémite, une romance anglo-arabe sous la direction d'Anne Thompson et d'Henri Laurence, et non pas Laurence d'Arabie. Myriam Yacoubi, c'est quoi cette romance anglo-arabe ? Ah, alors en fait, ce terme-là renvoie en fait à une forme d'idéalisation où ça renvoie en fait un peu à un mythe anglo-bédouin qui est en fait constitué d'un ensemble de représentations culturelles notamment issues de la littérature de voyage de la fin du 19e siècle, donc chez les voyageurs britanniques qui avaient donc exploré le Moyen-Orient arabe avant la guerre et qui vont en fait idéaliser les populations, notamment bédouines. Et en fait, j'ai essayé de montrer que c'est cet ensemble de représentations culturelles favorables, cette espèce de mythe anglo-bédouin, a en partie influencé en fait le choix de certains acteurs politiques locaux, enfin, en l'occurrence le choix de l'alliance avec les hachémites qui, aux yeux de certains Britanniques, semblait justement incarner ce mythe bédouin, puisqu'en fait la famille de Faisal avait des liens privilégiés avec les tribus du Hedjaz et de Transjordanie. Donc ça c'est le mythe anglo-bédouin avant la Première Guerre mondiale. Simplement, une fois qu'on rentre vraiment dans la politique et dans la coopération pratique entre les Britanniques et les hachémites, cette romance est rapidement mise à mal et il y a un phénomène donc de coopération, de collaboration entre les Britanniques et les hachémites. Mais comme l'exemple de Faisal le montre, il n'est pas ce processus n'est pas toujours simple. Et à l'intérieur de ce cadre de collaboration, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeu de pouvoir assez complexe en fait qui se met en place. Je rappelle que le Hedjaz, c'est cette longue bande côtière sur la mer Rouge, en Arabie bien sûr, là on va trouver ces grandes villes saintes que sont Médine ou encore la Mecque. Alors c'est intéressant pour l'Irak parce que pour l'indépendance il y a deux dates, il y a celle de 1932, bah oui, dont on vient de parler, mais il y en a une autre, 1958. Eh bien, vous le savez déjà, un coup d'État s'est produit ce matin de très bonne heure en Irak. Le premier ministre Nouri Saïd et le prince héritier Abdul Ils ont été enchaînés, traînés dans les rues, lynchés par la population et ensuite leurs corps ont été brûlés devant le public. On peut aussi rappeler d'un mot que cette affaire concerne au premier chef sans aucun doute les Britanniques. Et bien je vais demander à Jacques Salbert de nous donner immédiatement les réactions dans la capitale britannique. Ici Londres, bonsoir. C'est évidemment avec beaucoup d'intérêt, avec une certaine inquiétude que l'on suit depuis ce matin à Londres le déroulement des événements au Moyen-Orient. Vous savez que l'Irak était le dernier bastion britannique au Moyen-Orient. La révolution qui s'est effectuée aujourd'hui risque de marquer la fin de l'influence britannique dans toute cette région du globe. Ici Londres, à vous Paris. À nous Paris, c'était en 1958, en juillet, que le journal présentait cette révolution en Irak. Pierre-Jean Luisard, quel est le sens de cette révolution ? C'est une révolution contre la domination britannique ou c'est une révolution vraiment à l'intérieur du pays ? Je dirais que 1958 débute comme un coup d'État militaire. L'armée prend le pouvoir, une fois de plus. Mais contrairement aux fois précédentes, il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de coups d'État militaires, tellement le système politique était peu viable. Il va y avoir l'émergence de nouvelles forces politiques, notamment le Parti communiste et le Parti démocratique du Kurdistan, qui vont offrir leur service à l'un des généraux putschistes, le général Qassem, qui va tenter de dégager de l'influence britannique l'Irak en réaffirmant une identité irakienne face à un monde arabe majoritairement sunnite et en faisant le choix des majorités irakiennes, chiites et kurdes. Le général Qassem va donc entamer une période de remise en cause relative du système politique en vigueur en Irak depuis 1920, où l'on voyait la domination d'élites issues de la minorité arabe sunnite sur les Kurdes et sur les chiites. Mais la réalité va vite le rattraper, puisque dès 1961, la guerre reprend au Kurdistan et les communistes passent d'alliés de Qassem à ennemi, mais malgré tout, cette alliance va continuer jusqu'en 1963 avec le premier coup d'État bassiste, où là, les choses vont être beaucoup plus claires en termes de configuration confessionnelle, puisque les milices bassistes qui vont renverser le général Qassem le font au nom de slogans clairement anti-chiites. Et on va voir très vite la question irakienne se reformer et hélas voir qu'il n'y a pas de possibilité de réforme, que ce soit par la force de l'armée ou par des partis politiques, d'un système politique qui tient grâce notamment au boom pétrolier et au fait qu'il y a une solidarité communautaire qui fait qu'au sein de la communauté arabe sunnite, en dernier ressort, on soutient ceux de sa communauté face à une menace jugée mortelle, celle de la majorité chiite. Oui, parce que c'est cette lecture-là aussi sur un temps beaucoup plus long que ce qui nous intéresse, celui par exemple d'une révolution en 1958. Myriam Yacoubi, 1958, c'est la date limite de votre thèse, bien sûr, vous en regardez la portée plus tard. 1958, ce serait la fin de l'influence britannique en Irak ? Sans doute pas. Alors, en Irak, disons qu'en fait, comme la monarchie hachémite est renversée et comme les membres de la dynastie sont assassinés, ça marque quand même, ça porte quand même un coup très important à l'alliance avec le Royaume-Uni. Et donc, si ça porte quand même un coup à l'influence britannique dans ce pays, même s'ils maintiennent encore leurs intérêts pétroliers, par exemple. Ça va continuer malgré la révolution de 1958. Par contre, enfin, c'est aussi vrai à l'échelle du Moyen-Orient en général. Donc, on est deux ans après la crise du canal de Suez, qui a déjà symboliquement marqué un peu la fin de l'influence britannique dans la région. Donc, néanmoins, les Britanniques vont continuer à être très influents en Jordanie et aussi dans les pays du Golfe, hein, qui obtiendront leur indépendance encore un peu plus tard, hein, jusque dans les années 70, en fait. Donc c'est quand même un tournant. Et cette révolution irakienne de 1958, on peut faire un lien aussi avec, encore une fois, la façon en fait dont la persistance de l'influence britannique était incarnée au sommet du pouvoir à travers encore une fois la monarchie hachémite, puisque après la Seconde Guerre mondiale, donc en fait on a une régence, c'est le petit-fils de Faisal qui est le souverain, mais il est trop jeune, donc il y a une régence avec donc Abdoulillah, on l'a entendu dans l'extrait. Donc Abdoulillah qui était le neveu de Faisal, et aussi bien le régent que le jeune roi lui-même, Faisal II. Les deux en fait sont extrêmement anglicisés, extrêmement favorables à l'alliance avec les Britanniques. Même, je veux dire, dans leur apparence, dans leur passe-temps, dans leur allure, ils ressemblent plus à des aristocrates britanniques qu'à des hommes d'État irakiens. D'ailleurs, le jeune Faisal II, le jeune souverain, pendant son éducation, qui se déroule en grande partie au Royaume-Uni, les Britanniques eux-mêmes s'inquiète du fait qu'il parle mieux anglais qu'arabe, c'est dire. Et donc en fait, les Britanniques eux-mêmes, dans les années qui précèdent la Révolution, s'inquiètent du fait que la monarchie hachémite semble complètement déconnectée en fait des acteurs politiques et sociaux irakiens. C'est-à-dire que le régent et le jeune souverain, Faisal II, n'ont pas du tout la même capacité politique qu'avait Faisal, justement, de nouer des liens avec différents acteurs de la société irakienne. Et c'est cette capacité qu'il avait à nouer des contre-alliances qui pouvaient quand même montrer qu'il cherchait à ne pas dépendre que des Britanniques. Donc, eux n'ont pas cette capacité-là, en fait. Et c'est cette monarchie-là qui est renversée en 1958. Donc, nous sentons bien que effectivement, il y a un changement. Il y a peut-être moins cette domination politique, mais la domination économique ou les intérêts économiques sont toujours préservés. Merci vivement à tous les deux, hein, Myriam Yacoubi. Merci à vous aussi, Pierre-Jean Louisard. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Les racines du chaos, l'ouvrage que vous publiez chez Talendier, nous permet de réfléchir surtout à aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit, on pourrait dire que l'Irak, cas d'étude, parce que Irak, Syrie, Liban, Yémen, Libye, réflexion sur ce qu'est un État-nation et sur ce qui explique aujourd'hui les difficultés jusqu'au printemps arabe. Merci vivement à vous deux de nous avoir expliqué cette situation qui désormais est moins complexe. Elle est complexe, mais pour nous, elle l'est moins. Et nous retrouvons Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi ne faut-il pas réduire les civilisations précolombiennes à l'histoire des Incas? L'un des moyens les plus populaires aujourd'hui pour diffuser l'histoire passe par l'organisation de grandes expositions. Alors que pendant longtemps, ce sont les musées nationaux qui en avaient la responsabilité, aujourd'hui, ces événements peuvent être pris en charge par des organismes privés. En 2019, la société World Heritage Exhibitions a monté une grande exposition intitulée « Toutankhamon, le trésor du pharaon », qui a rencontré un formidable succès. Près d'1,5 million de visiteurs ont déambulé entre les vitrines blindées installées sur le plateau de la grande halle de la Villette. Les spécialistes du sujet ont alors reconnu que, malgré son côté spectaculaire, cette exposition avait donné une vision acceptable de la civilisation égyptienne au temps des pharaons. En revanche, la dernière attraction présentée en juillet 2022 par la World Heritage Exhibitions à la Cité de l'architecture et du patrimoine a été fortement critiquée par les connaisseurs. On a reproché à cette exposition, intitulée « Machu Picchu et les trésors du Pérou », d'avoir amalgamé des réalités historiques très diverses. Afin d'attirer le grand public, les organisateurs ont mis l'accent sur cette ancienne cité inca du XVe siècle, mondialement connue aujourd'hui, pour présenter des objets, principalement des céramiques, qui n'ont pas été fabriqués par les Incas. Les Incas ont certes créé le plus vaste empire de l'Amérique précolombienne. Mais leur civilisation s'est développée en puisant largement dans les cultures qui l'ont précédée et dont les premières traces remontent jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ. Parmi les ancêtres des Incas, les plus importants sont les Moche ou Mochica, dont la culture s'est développée entre les années 100 et 700 de notre ère. Ils ont cédé la place à l'empire des Wari, qui a rayonné sur les parties côtières et andines de l'actuel Pérou entre l'an 600 et l'an 1200. Leur déclin s'est produit au moment où l'Empire Inca a connu son apogée, entre 1400 et 1530 environ. Alors que la grande majorité des objets présentés lors de cet événement témoignaient de la richesse culturelle de la civilisation des Moche, l'exposition s'est contentée de la présenter dans le cadre global et flou des civilisations de l'ancien Pérou. Les vitrines, qui mettaient en scène, sur le même plan, des objets venus de cultures différentes et distantes de plusieurs siècles, ont contribué à occulter l'histoire de ces diverses cultures précolombiennes et les liens qu'elles avaient tissés entre elles au cours du temps. Cette confusion a été accentuée par le film introductif qui plongeait le visiteur, dès le départ, dans une ambiance de jungle tropicale, alors que les Moche ont vécu sur les côtes semi-désertiques du nord du Pérou, 1300 ans avant l'avènement des Incas. Les découvertes archéologiques récentes ont pourtant conduit les spécialistes à une réévaluation complète de nos connaissances sur les Mochicas. Leur culture a sans doute été l'une des plus brillantes de l'époque pré-Inca. Elle a marqué l'apogée d'un art particulièrement raffiné dont les traces sont parvenues jusqu'à nous, notamment à travers l'orfèvrerie et la céramique. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holbeck avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi et merci vivement aux équipes de France Bleu Occitanie, une émission préparée par une équipe spécialiste en conquête du savoir et des cœurs. Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Jeanne Copet, Gillian Tilly, Maïwenn Guizhou, merci à Sabine Dahuron de l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Collection Ils l'ont vécu. Dans cette nouvelle saison, retour en archives et en témoignages sur le 19 avril 1943. Ce jour-là marque le début du soulèvement de la population juive contre les troupes allemandes, dans un quartier de la capitale polonaise, le ghetto de Varsovie. En 1942, on savait que les gens partaient à Treblinka, qu'ils étaient gazés. Collection Ils l'ont vécu, saison 6. L'insurrection du ghetto de Varsovie le 19 avril 1943 de Johanna Szewitz, réalisée par Laure-Hélène Planchet sur francecultures.fr et l'appli Radio France.